Page 110. Activité 2. Piste 100. Ma sœur Nicole a un hamster. Mon père, lui, a un beau perroquet. Moi, j'ai une chatte. Mais ma mère, elle n'aime pas les animaux.